me lasse de toi. Je le raconte dans mes chansons et je prends le temps de mirer chaque saison. Nos petites habitudes deviennent nécessités. Nos incertitudes sont les vestiges du passé. Et je continue, j'apprends à savourer chaque jour un peu plus fort, encore et encore. Maintenant, tu es celle qui est faite pour moi. Ce qu'en pensent les gens a si peu d'importance pour moi. Mon amour pour toi est si grand qu'il pourra tenir la distance. Je ne fais rien que pour ça.